se meurt, que ton corps alanguit, recherchant la chaleur, contre moi se blottit. Je n'arrive pas à croire que lorsque tu sortais, dans son lit tu entrais pour l'aimer dans le noir. Accorde-moi encore un jour, je vais tout faire pour te prouver que malgré ce qu'il peut te donner, ça ne vaudra jamais mon amour. Je ne te demande pas ni comment ni pourquoi, depuis bientôt 6 mois tu lui ouvres tes bras. Mais je voudrais savoir si au fond de ton cœur tu juges sans espoir notre fragile bonheur. Accorde-moi un jour encore, je suis prêt à toutes les folies pour que résonnent les accords de notre amour en symphonie. Si tu décidais quand même de t'en aller, sache bien que jamais je ne pourrais t'oublier. Et qu'avec le destin, rien n'est jamais certain, ton possible retour hantera mes amours. Je sais que rien n'est jamais mort, que tout revit à un moment. Je t'attendrai jusqu'aux aurores, et bien plus tard j'en fais serment.